dans ma samba. Gracia Léa et Jenny Bella. Mama Sina Maria, Chantal Malema, na Canada. Docteur Ivo Mosikwa, Kiso, Kabala, Sisi Kabala, Birofoli, Armandine Thérèse, Regina Makanda, Emé Kobi, Gonvelea, Thierry Lufisa. Clément Lobaki, Christian Pouéba.